partir de maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Magic System. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Magic System, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti, nouvelle soirée en direct avec le Magic System. Comment ça va les gars? Ça va. A Cubayo. Momo de Momo. Ça va être la fête de Momo ce soir. Entre 20 et 21, c'est avec Momo qui réalise l'émission pour la partie vidéo. Nous a enjaillé particulièrement avec une paire de lunettes de soleil. Ouais. C'est-à-dire que la canicule commence demain. Mais Momo est déjà dans le futur. C'est quoi un Saint-Tropez là? Ah bah là ouais. T'es sur un yacht, Momo? Tu pars sur un yacht en vacances? Hein? Et garde tes lunettes. Attends, on va les montrer pour ceux qui ont les images. Regardez ça. Oh putain. Waouh, quelle classe. Les images sont dispo sur skyrock.fm, sur l'application Skyrock aussi pour découvrir les images. Tiens d'ailleurs, en parlant d'images, Planet Rap s'arrêtera avec vous vendredi. Ce sera le dernier Planet Rap de la saison avant de reprendre le 17 août. Et on va enjailler tout le monde puisqu'on a été récupéré avec l'équipe de Planet Rap des vidéos d'il y a 10, 15 ans même parfois, voire plus. Au tout début du Magic System. On a retrouvé des vidéos et ces vidéos elles seront dispo tous les jours. On vous les mettra vers 10h-11h sur la chaîne YouTube de Planet Rap. Une petite vidéo histoire de patienter jusqu'au 17 août, jusqu'au moment de la reprise de Planet Rap. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est sur la chaîne YouTube de Planet Rap et ça commencera donc dès samedi à la fin du Planet Rap de Magic System. Exact. Bon, on attaque tout de suite les gars, j'ai envie que là ce soir on s'enjaille. On s'enjaille. Ça c'est un morceau de l'album Radio Africa de Magic System. Et coup d'envoi, c'est parti avec ce morceau tout de suite. On a tous enjaillé, on a tous enjaillé. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale. Yala yala de sa, yala yala de sa, yala yala. plus en plus loin, de plus en plus fort pour le Magic System. Ah, ça vient du cœur, hein. Ouais, ça vient du cœur. Ouais. En Jaillet, c'est extrait de Radio Africa. On rappelle évidemment le principe de Radio Africa, c'est des morceaux, il y en a 12. Oui. Sur l'album, c'est 12 classiques de la musique africaine, hein, des reprises. Reprises à la source à Magic System. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas uniquement juste des reprises. C'est-à-dire non, que non, c'est des réadaptations. C'est arrangé. Certaines paroles sont aussi arrangées. Exact. Pour coller avec un petit peu plus de modernité, enfin de d'air du temps. C'est actualisé. Actualisé. Quelque chose qui était ancien. Même d'ailleurs, si on écoute certains morceaux qui ont été faits il y a plusieurs années, où on se dit. c'est toujours, malheureusement, peut-être même parfois, c'est toujours dans l'air du temps aussi, quoi. Il y a certains titres. Ah oui, par le thème, oui. Par le thème, oui. Il y a des titres par le thème qui restent d'actualité. Et bon, voilà, Magic. A eu cette idée-là de faire cet album pour rendre hommage. On ne rend pas seulement hommage aux gens qui quand ils sont morts. Il faut leur rendre hommage de leur vivant pour leur témoigner de notre reconnaissance, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont apporté à la musique africaine. Qui aimeriez-vous, tiens, comme artiste qui pourrait reprendre des morceaux de Magic System? Quel groupe vous verriez bien ou quel artiste en solo pourrait reprendre des titres du Magic System avec qui vous collez bien, avec qui voilà, vous aimeriez bien voir une version de Magic System par un artiste, alors peut-être de la scène urbaine, peut-être ouais là, bon je sais pas, moi j'aimerais voir peut-être Soprano reprendre des titres de Magic System parce que c'est quelqu'un qui chante haut comme nous et qui a aussi de la mélodie. Je crois que Jims aussi il a de la mélodie qui s'adapte vraiment aux mélodies africaines et tout, et donc il sait monter, il sait redescendre. Et puis il y a pas mal Yous, moi j'aimerais voir Yous prendre un texte de Magic System et lui faire un rap parce que j'aime la diction de Youssoupha. Tu penses à un morceau en particulier ou pas de Magic System que Youssoupha pourrait reprendre? Yakomer Africa. Yakomer Africa qui est un titre de Magic System qui est sorti, je crois, il y a 15 ans de cela. Et je crois que réactualiser le texte et le donner un rap à Youssoupha, ça peut donner un autre sens au titre. Bon, Youssoupha, il nous écoute de toute façon. Youssoupha, il est passé cette semaine, il est passé lundi. Ouais, donc on le salue, t'as du boulot c'est pour cet été. C'est notre petit frère. Voilà. Youssoupha, tu as du boulot pour cet été. Tu as une mission, tu as des devoirs de vacances. Voilà. Reprendre le morceau de Magic System avec nous entre 20 et 21. On va mettre un autre titre maintenant. On part sur quoi? Sur Mario? Ouais, Mario, c'est exceptionnel. Ça a été chanté en Lingala. C'est l'un des plus gros classiques, sinon je dirais le plus gros classique de la musique africaine, la chanson qui a été la plus interprétée. Et donc Lingala, vous, c'est pas votre langue? Non, le Lingala, c'est l'Afrique centrale, c'est le Congo. Et nous, donc ça a été un exercice particulier. C'est particulier, mais on a voulu montrer l'Afrique unie pour dire qu'on est africain tout court, on n'a pas besoin d'appartenir au Congo ou à la Côte d'Ivoire, on est panafricaniste. Et nous, on peut chanter en Lingala, Papa Wemba, il peut chanter, ou Fali, Poupa, il peut chanter en Bambara ou en Wolof. C'est ça l'Afrique unie. Et bien on écoute maintenant cette version du Magic System, Mario, tout de suite. Magic System. Et vous avez vu les messages, bravo Magic System. C'est pas si mal que ça en Lingala, c'est un Zéroa qu'on voit ça. Ben, t'as vu, hein, ça fait plaisir de voir ça, de lire ça. Un message de Zahir Kinshasa qui est envoyé à l'instant dans le studio. J'avoue que c'est, pour moi, ça n'engage que moi, c'est, le Lingala c'est la plus belle langue que je connaisse en Afrique. Compliqué ou pas quand justement C'est parce que c'est sa beauté, c'est ça. La beauté du Lingala, quand ceux qui le comprennent, le parlent, tu as l'impression que c'est facile. Ah, c'est, ouais. Mais c'est quand tu dois l'interpréter que tu te rends compte que c'est... Il y a des difficultés. Ouais, il y a des difficultés, mais c'est une très belle langue. Surtout quand il jette des petits mots français comme ça dans le Lingala. Hein, tu te dis, c'est formidable. Et un petit mot sur cette chanson. C'est une chanson, donc à l'origine, c'est franco. Hein, si j'ai c'est franco. Pas, franco ouais. À l'origine, la chanson fait 19 minutes. Ah ouais. L'origine, elle sans le remix extended cette version, remix, hein, c'est la version magique, originale. On a essayé d'adapter, mais la chanson fait 19 minutes. Mais ces 19 minutes passent vite parce que c'est une belle chanson. Voilà. Bon, ah, voilà, tiens. Quelqu'un qui vient d'arriver. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui maîtrise peut-être le Lingala, on va lui demander. Ouais. Monsieur Mokobé est là. C'est ça qui est la vérité. Et Mokobé, alors, j'ai envie de dire, bon, Mokobé, c'est une évidence peut-être dans le Planète Rap Magic System, parce que lui, il fait très bien le pont justement entre l'Afrique, entre la France. Je crois que Mokobé, c'est l'un des premiers rappeurs français de la diaspora qui a compris qu'à un moment donné, il fallait repartir en Afrique. Parce que les vraies valeurs, la sincérité s'y trouve. Et il fallait quelqu'un qui puisse repartir derrière, qui puisse repartir en Afrique et venir le montrer ici en France. Mokobé l'a compris. On a fait une première collaboration sur Bouger Bouger. Sur Ngaou à Oran d'abord. Mmh. Et après, il est allé en Afrique. Mokobé, c'est l'artiste, disons, de la diaspora, qui a le plus travaillé avec tous les artistes africains. Sur ses projets, ouais. Et il a travaillé intelligemment, de manière géographique, que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique de l'Est. Il a fait à tel point qu'aujourd'hui, il est imposé comme l'un des artistes de la diaspora, le plus connu sur le continent africain. Et ça, il a vite compris. Les autres sont en train de comprendre, mais lui, il a vite compris que voilà, ça, c'est. Il ne faut pas oublier les racines de là où on vient. Il faut être escroc pour comprendre ça. Mokobé, tout allait bien jusqu'à la fin. Non, hein, Mokobé. Ouais. Non, mais c'est déjà c'est un plaisir d'être là. C'est mes grands frères, c'est mes coros et effectivement. On a sorti le mot. Voilà, on a fait deux grosses collaborations ensemble. Ouais. Et c'est vrai qu'après, je me suis vraiment intéressé au continent. J'avais envie de collaborer. Et je vais dire quelque chose d'assez franc. La vérité, c'est que, en fait, Magic System, c'est vraiment des grands frères et tout, et ils m'ont appris à être un peu moins généreux. Parce que, tu sais, dans la vie, des fois, dans ta carrière artistique, tu fais parfois des mauvais choix, tu vois. Il y a des choses, en fait, il y a un moment, j'avais un petit manque de maturité, puis j'étais trop ouvert, j'avais trop envie de faire plaisir à tout le monde. Et tout le monde, tu peux pas faire plaisir à tout le monde, tu vois. Et c'est des choses qu'à l'époque, je comprenais pas. Et ce que je te dis là, on en a parlé une fois avec Asalfo, j'avais pas parlé avec le reste et tout, mais je tiens à les remercier de m'avoir donné justement cette énergie là, ces conseils là, cette force là, parce que en vérité c'est quelque chose que je comprenais pas à un moment. Tu vois, moi je sors du rap, 113, Mafia Quinfri, il y a le continent et tout, et tu sais, t'ouvres les bras à tout le monde et tu veux faire plaisir à tout le monde, mais tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Et parfois ça se retourne même contre toi. Donc il y a des choix et des choses à faire, tu vois. Et moi je comprenais pas ça. Et maintenant je le comprends mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais même être honnête avec toi. Une fois j'ai même appelé à Salfo, je me suis excusé auprès de lui. Je lui ai dit ouais franchement, tu vois, Koro, t'avais raison. T'avais vraiment raison. Tu vois. Mais j'ai envie de le dire ici à la radio, les millions de Français ou personnes qui sont en train de nous écoutent pour savoir la vérité. Parce que tu vois, à un moment, il y a des choses que je comprenais pas. Et c'est pour ça que c'est des grands frères, c'est la famille, c'est l'Afrique. Et comme on dit, nous on est là, on suit leur exemple. Voilà. Merci. Tu te souviens de cette histoire, Mokobé? Ouais, ces petits conseils. Oui, je crois que pour avoir travaillé avec quelqu'un, je crois que c'est parce qu'on regarde dans la même vision. Nous, on nous a reproché, on dit Magic System, se retourne pas vers les artistes africains. Magic System n'aide pas les autres à monter. Parce que, au fait, il faut pas faire croire aux gens que tout est facile, que c'est à travers un featuring qu'on devient, qu'on devient star et tout. Il faudrait que les gens se mettent au travail ou qu'au bout du boulot, qu'on sorte quelque chose de propre. Moi, je prends l'exemple du petit Smarty, par exemple, qui fait du rap. On écoutera le morceau d'ailleurs dans un instant avec Voilà, Smarty qui fait du rap, qui est en Afrique, qui sait que le rap en France est un peu plus développé et tout, mais il est resté dans un contexte, il s'est battu. J'ai été très heureux de savoir qu'il a bossé avec Soprano, il a fait un titre, il a sorti. C'est comme ça qu'on peut accompagner. On peut créer, c'est pourquoi je parlais d'enjaillement fever. C'est mettre des projets en place pour permettre à ceux qui ont envie de travailler, ceux qui ont envie de se faire connaître, de venir travailler sérieusement. Mais on ne peut pas dormir sur des lauriers pour dire, moi j'ai envie de passer sur les grosses chaînes de télé, sur les grosses chaînes de radio, on ne travaille pas à l'essentiel. Tu fais un featuring avec Magic System ou Mokobé, tu es connu, tu passes à la télévision française, tu passes sur Skyrock. C'est pas aussi simple. Moi, c'est que pas ça. Cet enseignement-là que j'ai envie de donner aux gens. Nous, on n'a pas fait un featuring avec quelqu'un pour arriver en France. Nous, on est venu ici avec Premier Gaou. On a eu un tube d'été comme tout le monde a pu l'avoir ici. Mais on s'est dit, attention, les tubes d'été sont saisonniers. Ça peut être dangereux, ici. Ouais, ça peut être dangereux. C'est dangereux, ça peut passer. Donc, il faut travailler, il faut prendre le travail au sérieux, il faut se mettre vraiment au boulot pour ne pas qu'on soit un groupe saisonnier. On s'est mis au travail, ça fait 15 ans qu'on est là. On ne peut pas dire qu'un groupe qui ne travaille pas peut rester constant pendant 15 ans. Donc on a eu à travailler avec des Mokobé qu'on a trouvé qui étaient déjà là, qui étaient déjà auréolés de victoires de la musique et tout. On a travaillé avec des Soprano, on a travaillé avec tout le monde pour être là aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas que la nouvelle génération dorme sur ses lauriers, croyant que c'est quand Magic System va mettre sa voix sur ma chanson que je vais passer sur Skyrock. C'est pas tout comme Mokobé, s'il vient sur un morceau, bien ça, sûr, voilà. Bien sûr. Ça, ouais, c'était le truc que tu as peut-être du mal à comprendre aussi au début. Ouais, en fait. Parce que oui, tu as forcément envie d'aider tout le monde, mais c'est. Voilà. C'est aussi un boulot, tu as raison de le préciser. C'est pas parce que tu as un petit coup de main que. Voilà, et ils avaient un meilleur. Ils avaient un meilleur enseignement au niveau du continent. Continent africain, tu sais, nous on est là, on est né ici, même si on est des enfants de la terre mère, du berceau de l'humanité. Ils ont une meilleure connaissance, c'est des grands frères, et c'est à travers ça. Et ça, sincèrement, ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai beaucoup appris. C'est pour ça que pendant 2-3 ans, j'étais même en stand-by, tu vois. Pendant 2-3 ans, je sortais pas grand chose et tout, j'étais là, calme et tout. Là, je suis content. Je reviens avec un gros album et tout, mais il y a des choses que je comprends mieux. Et j'avais envie de le dire parce que voilà, c'est important. Et ben merci d'être là en tout cas, Mokobé, avec nous. D'ailleurs, ouais, il y a le morceau de Mokobé aussi que vous avez écouté avec P Square, le Getting Down. Ouais, il y a des qui tournent beaucoup, qu'on pourra mettre d'ailleurs dans un instant sur ce Moko. Mais juste avant, tu en parlais de Smarty, donc un jeune artiste, c'est ça hein, de... Oui, un jeune artiste africain. Africain. Voilà, d'origine burkinabé et qui a bossé avec Soprano. Le titre, c'est Telicha, je crois. Et ben on va l'écouter maintenant, on va le découvrir maintenant, ah, ce ouais, morceau. C'est intéressant. Allez, c'est parti. Ah oui, l'amitié. Vraiment, hein? Tellement de choses à dire sur l'amitié. Comment est-ce que comment ça m'épouse, je ne sais plus avancer. Ce sont les seuls qui me donnent la force de pouvoir me relever. Combien de fois m'ont-ils empêché d'approcher les flammes qu'auraient pu brûler. C'est elles qui aujourd'hui m'ont permis de m'envoler vers. Voilà un petit extrait à l'instant de ce morceau. Voilà. On va le couper parce que c'est pas une bonne qualité non plus. Il y a ça aussi. Vous voyez, il y a ça, il y a tout le travail qui va avec. Là, Soprano, il pose sa voix. Smarty, il pose sa voix. Le problème, il est où? Il est sur la technique. Et la technique, c'est quoi? C'est le travail. Parce que quand on est sérieux et qu'on veut faire des choses, il faut les faire normalement. On ne peut pas, ça, même si on a envie de vendre un projet, on ne peut pas venir avec un projet comme ça. Le son, il n'est pas... Tu peux pas avoir Soprano bon, en tout cas, sur le truc et ne pas faire Smarty et Soprano, allez vous renseigner le morceau pour découvrir une meilleure qualité, en tout cas sonore, de ce morceau. Ouais. Et en même temps, tu dis ça, mais rappelle-nous Premier Gaou. Ah ouais, rappelle-nous Premier Gaou. Ah, le morceau, c'était une maquette. Là, c'est plus qu'une maquette, ça. Tu te souviens, Mokobé, le premier Gao aussi? Non, je m'en souviens, mais le son, je crois qu'il était quand même meilleur. Hein. Allez, c'était une bonne maquette. Ouais. Bon, Mokobé avec nous, tiens, on va écouter le morceau. On en parle un instant avec P-Square. C'est des Getting Down maintenant sur Skyrock. Mokobé, P-Square. Magic System, le Planet Rap. Magic System. Ah, c'est bon, je vous ai récupéré. Avec Mokobé et P-Square qu'on écoutait à l'instant pour Getting Down sur Skyrock entre 20 et 21. Voilà, un des gros morceaux. Le retour de Mokobé aussi, ça approche, hein, Moko? Ouais, ça approche à la rentrée, Inch'Allah, normalement pour novembre, je pense. Ouais, novembre. Novembre, nouveau projet. Ouais, nouvel album solo, bien compact, pas trop long. 13-14 morceaux, pas 18 ou 25. Mais là, ils ont fait 12 morceaux. Ouais, sur Radio-Afrique, hein. Mais ils ont raison, c'est ça. Tu sais, nous, avant, on aimait bien faire des 22, 23 morceaux, là. Ouais, faut mettre des morceaux de qualité, les gens apprécient. Voilà, mieux vaut se concentrer. Voilà. Taper sur la qualité que sur la quantité. C'est clair. Donc ce sera au mois de novembre pour Mokobé. D'ici là, est-ce que tu as eu le temps de jeter une oreille sur Radio Africa? J'ai écouté le morceau Fanta. Fanta Diallo. Ouais, Fanta Diallo. J'ai écouté le morceau, le clip il est magnifique. D'ailleurs, la Fanta dedans elle est très belle. Elle est sweet. Ouais, il est magnifique. Et puis voilà. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un honneur d'être là. Magic System, tu sais, on peut rien leur reprocher à part de juste apporter de la joie et de la bonne humeur aux gens, tu vois ce que je veux dire, et voilà, comme tu sais, si c'était juste un groupe saisonnier, bah le Magic System ne serait pas là depuis longtemps, tu vois, ne serait pas là, ils auraient déjà disparu. On en a vu des gens, on en a rencontré des gens, hein. On est là, tu fais des plateaux, tu fais des festivals, au début tu vois telle personne, après ça disparaît. Mais, c'est des choses qui arrivent. Nous on est là, on est en 2015, on est toujours là, hein. C'est ça. Et c'est ça qui est la vérité. Ouais, c'est ça. Ça c'est la vraie vérité. C'est la vraie vérité, ouais. Il y a la carrière championnat et il y a la carrière tournoi. Le championnat il est très long. On écoutera un morceau qui s'appelle Soulard dans un instant. Tu connais la version originale de Soulard? Ouais, je connais la version originale de Soulard. C'est un gros classique. Voilà. Et ben on l'écoutera dans un instant en version remaniée par Magic System juste après ça. Bougez pas. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Magic System pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Magic System. Magic System avec nous entre 20 et 21. Mokobé nous a rejoint aussi ce soir entre 20h et 21h dans le Planet Rap des Magic System. Avec des collaborations d'ailleurs tout à l'heure, il y aura le live de Bouger à pas louper. Ah ouais, Bouger, ça c'est de beaux souvenirs ça. Ça c'est un beau souvenir celui-ci. Ah ouais. Ah c'était trop fort ça. C'est ça qui est la vérité. Ne bougez pas justement. Ça arrive dans un instant. On est promis juste avant la pub un morceau qui s'appelle Soulard. Ah ouais. Donc la version originale de Soulard, rappelons un petit peu aussi. Zao. Mais pas la chanteuse. Voilà. Zao sans H. Voilà, un grand un monument de la musique africaine qui, son concept à lui, était de dépeindre les mots de la société en humour et de les chanter avec dérision sur ses albums. Donc il chantait les moustiques, il chantait le Soulard, il chantait le corbillard, il chantait tout. Mais c'était des faits réels et nous on a retenu Soulard parce que c'est courant en Afrique. C'est amusant. Toi, c'est qui Mokobé en artiste africain qui t'ont vraiment marqué? Bon, moi, ce qui m'a marqué, c'est Salif Keita, Youssou N'Dour, Touré Kounda. Quand j'étais petit, ça m'a marqué. Ouais. Jusqu'au jour où je les ai vus, j'étais tout petit, j'avais 8 ans, je crois. Je les ai vus à l'aéroport, j'ai demandé un autographe. Il a dit non. J'avais 8 ans. C'était avec qui? Touré Kounda, il a dit. C'était un des chanteurs de Touré Kounda. Ah, du groupe Touré Kounda? Ouais, ouais. Il m'a dit non. Et 20 ans plus tard, ou je sais pas quoi, je reçois un mail, on m'appelle pour faire un morceau avec eux. J'ai dit non. C'est pas vrai. Ah ouais. Je te jure. T'avais pas oublié ce moment-là? Ah non. Eh, mais ça m'a marqué. Eh, je te jure, ça m'a marqué. J'étais là, j'ai couru et tout. J'ai dit, ah, il y a Touré Kounda. Et ils avaient fait un morceau. Emma. Ben, c'est celui-là. Oui, ben, c'est celui que vous avez repris voilà. D'ailleurs sur l'album. Sur l'album. Oui, j'apprécie, mais non, moi, c'est une petite anecdote comme ça. Non, ah non, non mais vraiment, oui. Tu l'avais raconté déjà, ça, non? Non, je l'ai encore raconté. Ah oui, donc Touré Kounda, il n'y aura pas de collaboration avec Mokobé. Non, mais on ça se souvient de ça. On va faire la paix. On va faire la paix. Tu aimes pas l'africaniste. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ils ont été gentils avec nous. Tout de suite, ils ont été spontanés. Est-ce qu'on pourra avoir un autographe pour Mokobé? Oui, mais de tout le groupe. Touré Kounda, si vous nous écoutez. Même un t-shirt dédicace. Voilà. On part de Roissy, j'avais 8 dédicace. Ans. J'avais 8 pourquoi ans. Tu fais ça? Hé, gars. Pourquoi tu fais ça? Bon, bah, le message est passé. On attend donc la dédicace de Touré Kounda de l'ensemble du groupe. Hein. Attention. Voilà, voilà. L'ensemble du groupe pour Mokobé. Ouais. Il en reste que deux, je crois. Ben, il en reste beaucoup. Voilà. Ouais, mais on salue d'ailleurs le groupe Touré Kounda. Et ben, petite anecdote avec Mokobé à l'instant. L'autographe de Mokobé. L'autographe. Voilà. SOS. Voilà. Si vous voyez les membres de Touré Kounda, demandez un autographe pour Mokobé. Mokobé. Voilà. Voilà, ça fait plus de 22 ans qu'il attend ça. Allez, on écoute le morceau Sous l'art maintenant qui est sur l'album de reprise de Magic System. Du Magic System, c'est plus que des reprises d'ailleurs, hein. C'est des adaptations, ouais. Les morceaux sont adaptés, ils sont un peu joués. Ça, c'était vraiment une reprise. C'est au niveau de la musique qu'on n'a pas qu'on a envoyé un peu de fraîcheur, mais au niveau du texte. Au niveau du texte, ouais, le texte. C'est vraiment une reprise parce qu'il était tellement original. Je sais pas ce qu'on peut apporter. Personne ne pouvait savoir qu'on peut raconter la vie d'un soulard de telle manière. Et je suis pas surpris que Stromae ait dit que c'est une chanson qui a marqué son enfance parce que ça nous a marqué aussi. Ouais, ça fait partie des références musicales de ce que disait Stromae dans une interview. C'est ça, ouais. Mokobé là aussi avec nous. Mokobé qui a été joué au FEMUA d'ailleurs, le grand festival qui est organisé à Abidjan chaque année. Ouais. Dans votre quartier à vous, hein, le Magic System. C'était un des premiers ambassadeurs. Je dirais que c'était un des premiers qui a cru en ce festival. Parce qu'à l'époque, quand on disait aux gens de venir dans un festival dans un petit village, personne ne pouvait croire. Mokobé, il a accepté, il nous a accompagnés. Et aujourd'hui, on est tous fiers de voir que le festival grandit. Toi, tu t'en souviens de ce festival? C'était les premières éditions pour toi, Mokobé, hein? Ouais, c'était la troisième édition. Ouais. C'est vraiment un moment exceptionnel, en vrai, parce que déjà, c'est les seuls à le faire. Et c'est quelque chose de louable. Ouais, parce qu'il n'y a pas que des concerts, hein. Il y a aussi ouverture d'une école à chaque festival. Bien sûr, derrière. Voilà. C'est toute la capitale, c'est tout le village qui bouge, c'est tout un pays qui est content. Donc finalement, tout un continent aussi qui avance justement grâce à ces actions-là. Et le fait d'être vraiment au cœur de, tu vois, au cœur de du village, au cœur de la population et tout, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est les seuls à le faire, tu vois. Tu as joué à quelle heure, rappelle-nous, Mokobé? On a joué à 7h du matin. 7h30 du matin. Après, c'est vrai que les concerts donc peuvent durer un peu plus longtemps que prévu. Ouais, c'est voilà. 6 à 7 concerts par nuit. Et donc à un moment, tu te sens bien sur scène, tu restes. Non, mais c'était un super bon moment. On a joué quand le soleil s'est mis à se lever, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça en même temps c'est là que c'est beau, parce qu'en vérité, Magic System aurait pu être à Bajoie, dire voilà, c'est nous, donc on joue à telle heure, ou tu vas jouer à telle heure. On a joué à 7h30 du matin, c'était exceptionnel. Ouais, c'était lourd. C'était fort. Et voilà. Et en plus, Magic System et Mokobé sur scène, c'était la première fois. Donc, et il y avait autant de monde, pareil, c'était blindé. C'était blindé, mais pas comme maintenant, parce que à l'époque, les gens ils découvraient le festival. Ouais, donc c'était fallait que ça blindé, mais maintenant c'est tous les artères. Ah ouais, quand je vois les images là maintenant, je me dis bon, il faut qu'ils me rappellent. C'est 2016, hein, avril 2016. Non, on a décidé d'aller jusqu'à la 10e édition sans faire jouer deux fois le même artiste. Et après. Et à partir de la 10e édition, on reprend tous les artistes. Donc pour les 10 ans, il est fort possible qu'on voit Mokobé, surtout qu'il a préparé encore un album qui arrive en force. Ça arrive au mois de novembre pour Mokobé. Je vous présente Veski de Nice. Salut Veski. Ouais. Ça va, en pleine forme? Ça va. Hein. C'est l'heure du freestyle par téléphone. On y va, on t'écoute, mon pote. Ok. Alors écoutez ça, c'est. Que ce soit clair et net, fais gaffe à qui tu souris. Tu risques de te la faire mettre plus qu'en main quand tu risques d'être surpris. Bien élevé par mes parents dans un milieu modeste, je suis toujours resté droit sans jamais retourner ma veste. Même si parfois j'ai reçu des coups de crapulerie, en attendant que la roue tourne, pour l'instant moi je leur souris. On m'a dit que l'indifférence est le meilleur des mépris, cause des coups durs plus qu'un enfant, des leçons j'ai appris. Comme Momo je suis texto, les temps changent, les mecs prennent de la testo. Face à ça y'a pas de costaud. T'as fait le comique, t'as glissé, maintenant t'es à l'hosto. T'es pas fermé pour flamber, tu vas payer la table. Tu te mets à découvrir tout ça pour attirer quelques boules. T'offres des vertus, tu te fais gratter, mais bon, toi tu trouves ça cool. T'es la merde parce qu'au final, tout seul, tu te vides les boules. J'nique la mère à BHL et à ce bâtard de Maigret. J'trouve bizarre le phénomène de 50 nuances degrés. J'savais pas qu'être un sado faisait partie du progrès. Que naît dans le fion de la part d'un fils d'immigré. Ratatata, ratatata. Quand Veski rappe, ça fait ratatata. J'ai dit ratatata, ratatata. Je représente les Shaps sur du Zougataga, gros. Yes, Veski de Nice à l'instant en freestyle. Merci à toi pour le freestyle. Impeccable. Petite dédicace. On peut t'en trouver sur le net. Spécialement, pas spécialement à tous les frères. Bon Ramadan, bonne fin de Ramadan et Eric Comabro. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Veski, à l'instant en freestyle par téléphone dans le Planète Rap. On va peut-être attaquer le live aussi de bouger maintenant. Bougez, les gars, bouger, si vous êtes prêts. Je sais pas, il y a longtemps qu'on l'a pas chanté avec vous. Vous vous souvenez plus des paroles? Non, je me souviens des paroles. Vous vous souvenez des paroles? Je me souviens des paroles, mais on va s'arranger. On va s'arranger, ouais. Voilà. Au pire, freestyle, Mokobé. Allez, on y va. Yo, bougez. Attention, coup d'envoi, le live maintenant sur Skyrock. Aïe. Ça va bouger, hein. On veut installer le monde. Ouais, gros. Aïe. Génération Yafo, il laisse nous passer, faut pas nous blaguer. Ambiance du pays, on va faire bouger. Mapouka Dembolo, tu en connais. Mais maintenant, c'est le Zouglou. On va bouger sur Skyrock. On a tout fait, on a parlé, oh yeah. Aïe. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment rien n'a changé, oh yeah. En tout cas rien n'a changé, oh yeah. On va bouger. On va bouger. Ça va bouger ici. On va bouger. Aïe. On a tout fait, on a parlé, oh yeah. Jure. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment rien n'a changé, oh yeah. En tout cas rien n'a changé, oh yeah. On va bouger. Ça va bouger dedans. Bouger. Vous qui êtes chez vous là, bougez, hein. On bouge. À la voiture, à la maison, à la voiture. On bouge. Bouge. Oh là là, on a trop parlé, mais rien n'a changé. Oh. Et si on est tous des amis, faut qu'on se dise la vérité. Chez nous, Abidjan, quand c'est comme ça, y'a pas de drap. C'est Kouma Molo là qui peut tout arranger. Oh. Aïe. La vie est trop belle, mon ami, faut en profiter. Oh. Et dans la vie, quand tu es garçon, oh, faut nyanga. Oh. Ouais, gros. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Si y'a espoir, tu dois bouger, oh yeah. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y a espoir. Mon ami, c'est ça avec mon Kobe. Si tu veux pas bouger, faut bouger. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y a espoir. On va bouger. Tant qu'il y a la vie, y a espoir. Mon ami, tu dois bouger, oh yeah. Ah ouais, ça c'est l'ambiance à la manière Magic System dans Planète Rap. Toujours. Aïe. Avec Mokobé, bouger. Fred Misa et Momo. Aïe. On va bouger. La maladie du bouger. On s'en voit pas. À l'instant live, Magic System et Mokobé. Ça faisait un moment. Vous l'avez pas fait en live tous ensemble. Ah ouais. Ben, ça fait plaisir toujours. Ah, oui. Ça reste quand même un des classiques de Magic System. En même temps, toi tu les as vus en concert aussi, Magic System. C'est-à-dire que c'est le karaoké géant. C'est-à-dire que c'est la folie. À chaque morceau. C'est la folie en plus. Hein. C'est vraiment un public incroyable de 7 à 77 ans. C'est un arc-en-ciel, tu vois. Noir, blanc, jaune, violet, tout ce que tu veux. Et les gens. Ah, oui, il y a des mecs violets aussi. Tellement il y a l'ambiance à un moment. À un moment, tu deviens violet. Voilà. Et les gens bougent du début jusqu'à la fin. Et c'est ça, c'est fort, tu vois. C'est fort, c'est ce qu'on aime. Voilà. Et bah avant de se quitter, on finit avec Anjaillé, peut-être, non, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va rendre hommage à Mokobé. Anjaillé, ça vient du Mali. Hommage à Mokobé. Ah ouais. Anjaillé qui est une reprise. Ah oui, ouais, ça s'enjaille. Salif Keïta. Salif Keïta. Voilà. Et bon, on l'écoute maintenant. On est tous Anjaillé. On est tous Anjaillé. On va bien Anjaillé. Là, on va bien Anjaillé. bouger dans tout ça qui est là. Yala, yala, les ça. Yala, yala, les ça. Yala, yala, là. Yala, yala, les ça. Yala, yala, les ça. Yala, yala, là. Si t'es pas chaud, tu veux pas danser, nous on va te balayer. Magic System en jaillit à l'instant. Radio Africa, on peut applaudir en effet. Le projet Radio Africa est dans les bacs depuis une quinzaine de jours maintenant. Ouais. 12 morceaux. Oui. 12 reprises, mais pas que, hein, je le disais, c'est pas uniquement que des reprises. C'est, non, c'est des hommages. Des on hommages. A essayé de mettre ensemble tout le parcours de la musique africaine. On est parti de 1957 jusqu'en 2002. Voilà. Tiken Jah Fakoly. De 1957 à 2002. La chanson la moins vieille de cet album a quand même 13 ans. Donc c'est à découvrir, c'est à écouter. Pour toute la génération, sans distinction de race, sans distinction de nationalité. Et d'ailleurs, plongez-vous ouais, sur les versions originales, parce que vous allez aussi halluciner en réécoutant les versions originales. Il faut écouter les versions originales et voir comment ça a été dépoussiéré, parce qu'il fallait quand même apporter une fraîcheur. Et vraiment, on a bossé, on a pris du plaisir à bosser sur cet album. Et ceux qui n'ont pas connu la musique africaine d'avant, c'est le moment de la découvrir. Et ceux qui l'ont déjà connue, c'est le moment de se replonger dans la nostalgie, parce que c'est trop beau. Et en plus, c'est quelque chose de festif, quelque chose de gay. Avec parfois des thèmes qui sont difficiles d'ailleurs. Des thèmes difficiles qu'on essaie de peindre avec de l'humour, de la dérision, de la gaieté. Donc pour moi, tout le monde peut se retrouver dans cet album. Il faut l'écouter. C'est pas seulement un album pour danser, mais c'est un album aussi pour recréer une histoire, recréer un lien avec la musique africaine. Tiens, pour tous ceux qui nous écoutent, qui font du rap français, replongez-vous aussi justement voir comment sont traités certains thèmes importants. Ça va faire du bien, ça va les détendre un peu. Hein, ça pourra détendre un peu de monde, ouais. Ça pourra faire du bien. Non, mais c'est vrai que c'est la façon de traiter des sujets parfois très graves, justement. Mm-hmm. Et comment ça peut être mis en musique, justement, par les artistes africains. Ouais. Cette façon un petit peu, voilà, où il y a du second, même du troisième, quatrième degré parfois. Ouais. Tout en dénonçant des choses sur des morceaux. Hein. Mais c'est ça, le concept même du Zouglou que nous faisons, c'est ça, c'est de prendre tous les mots de la société et chanter ces mots-là, mais avec un peu d'humour. Quand tu arrives à tirer le sourire à quelqu'un, c'est qu'il a compris ce que tu as dit. Mais on n'est pas obligé de tourner forcément le couteau dans la plaie et tout, tout, tout. Il y a des musiques qui sont faites pour ça, comme le reggae et comme le rap aussi, parce qu'il y a du rap dur et il y a du rap mélancolique, il y a du rap qui envoie des textes de la vie et tout. Et puis bon, voilà, chacun a son concept, mais le concept de Magic System, c'est pas de dire les choses de manière dure, brutale, de les vindiquer, c'est d'être engagé, mais de manière subtile, avec un peu d'humour, pour détendre. Les gens sont déjà trop tendus, il faut pas les tendre d'avant. C'est vrai. C'est une belle parole. Non, et puis c'est vrai, et derrière tout ça, bah, comme Mokobé aussi, parce que Mokobé, c'est pas un artiste non plus à se vanter là-dessus, mais je sais qu'il fait plein de choses derrière que dès que possible, dès que tu peux, quand il y a une mobilisation qui te touche, tu y vas. Pas besoin d'en faire d'ailleurs trop de promos. Mais t'es souvent là sur. Non, justement, voilà, le but, c'est pas de faire de la promo ou autre chose. C'est d'être là et c'est d'apporter justement de tendre la main aux plus démunis, aux déshérités, d'être là, d'avoir du cœur. Et c'est ce que font les grands frères à travers leurs concerts. Ils font plein d'actions, hein, ils font plein d'actions. Et c'est pas pour autant qu'on va en parler. Je pense que c'est important. Sinon, ça annule tes actes, en vérité. Ça annule tes actes, ça n'a aucun sens. En vérité, voilà. Il faut avoir un bon cœur et il faut savoir donner à son prochain. Eh ben, merci d'avoir été là avec nous. En tout cas, Mokobé, ce soir, merci au Magic System. Merci. On va vous retrouver demain entre 20 et 21. Ouais. Moko avec Getting Down tout l'été. On va avec t'écouter. Getting Down. Et je fais une grosse dédicace. Gros bisous à ma Juju. Et gros big up et gros bisous aussi à Cynthia, Kwekwe et Lyon. On est ensemble, la famille. Donc voilà. Merci à vous en tout cas pour cette soirée. Merci Magic System. Merci demain. À tous les VI d'Abidjan, à tous les VI d'Afrique. Voilà. Entre 20h et 21h, le retour sur Skyrock. On fait tourner rapidement la roulette. Allez, c'est parti, on se met. Skyrock t'offre Black M et Big Flo et Oli aux arènes de Bayonne. Plus tes 3 places de ciné, les profs 2. Liliane Marseille, ça va bien? Ça va et toi? Lilia, est-ce que tu peux me faire le stop le plus rapide qui existe dans l'histoire de la roulette? Allez, ça va. Dès que tu veux, on a un palabo, on va retrouver D-Fool. Les meilleurs moments de cette saison dans un instant. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, Lilia, sur la case, c'est... Cours rapide, efficace, les places pour aller voir Big Flo et Oli, Black M, et puis des places pour aller voir les profs 2 au cinéma. C'est pour toi, Lilia. Oui, merci. Je te fais des bisous à Marseille. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Allez, ciao. Merci au Magic System, à Mokobé. Là, c'est D-Fool tout de suite qu'on retrouve. Merci, et puis à demain. À demain, ciao.